Chapitre 9e. Rien n'était plus loin des intentions de M. Tyrrel que de laisser ainsi tomber son projet. Il ne se vit pas plutôt débarrassé de la vigilante Mme Jakeman qu'il changea tout à fait de système dans sa conduite. Il fit garder étroitement Miss Melville dans son appartement et lui fit ôter tout moyen de communication au dehors de la maison. Il la mit sous la surveillance d'une domestique sur la discrétion de laquelle il comptait, et qui, ayant été autrefois honorée des bonnes grâces les plus intimes de ce gentilhomme, regardait les égards dont Emily jouissait dans le château de Tyrrel comme une usurpation sur des droits qui lui semblaient beaucoup mieux établis. M. Tyrrel lui-même fit tout ce qui était en son pouvoir pour jeter des nuages sur la réputation de son innocente cousine, et il représenta à tous les gens de sa maison les précautions qu'il prenait à son égard comme absolument nécessaires pour l'empêcher de courir dans les bras de M. Falkland et pour prévenir sa ruine totale. Dès que Miss Melville eût resté ainsi en Chartres privée pendant 24 heures, et qu'il eut quelque raison de supposer que la gêne de sa situation avait pu abattre sa résolution, M. Tyrrel jugea à propos de l'aller trouver, de lui expliquer les motifs du traitement qu'elle éprouvait, et de lui indiquer les seuls moyens qu'elle eut pour espérer quelque changement dans son sort. Emily ne le vit pas plus tôt que, se tournant vers lui avec un air plus ferme et plus déterminé qu'elle ne l'avait encore jamais eu, elle lui parla ainsi. « Ah, c'est vous, monsieur. J'avais besoin de vous voir. Il paraît que je suis ici enfermé par vos ordres. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel droit avez-vous de me faire votre prisonnière? Vous dois-je quelque chose ?» Votre mère m'a laissé 100 livres. M'avez-vous jamais offert de rien ajouter à ma fortune? Mais quand vous l'auriez fait, je n'en ai pas besoin. Je ne prétends pas un meilleur sort que celui des enfants nés de parents pauvres. Je veux bien me soutenir comme ils font. J'aime mieux la liberté que les richesses. Je vois bien que la manière déterminée avec laquelle je vous parle vous étonne. Mais croyez-vous que je me laisserai ainsi fouler aux pieds? Je vous aurais déjà laissé là si Mme Jakeman ne m'en eût pas détourné, et c'est ce que vous auriez mérité si je n'avais pas mieux pensé de vous que je ne le devais, à ce que je vois par votre conduite envers moi. Mais à présent, monsieur, j'entends quitter à l'instant votre maison, et j'insiste pour que vous ne cherchiez pas à m'en empêcher. » En disant cela, elle se leva et s'avança vers la porte, tandis que M. Tyrrel était comme pétrifié de son courage. Cependant, la voyant sur le point d'échapper de ses mains, il revint à lui-même et la repoussa. « Qu'est-ce que tout ceci veut donc dire? Ah, petite effrontée, avez-vous cru m'en imposer à force d'impudence? Asseyez-vous là, tenez-vous tranquille. Ah, vous voulez savoir, n'est-ce pas, de quel droit vous êtes ici? Eh bien, c'est du droit de possession. Ce château est à moi, et vous êtes en mon pouvoir. » Et il n'y a pas ici de Mme Jakeman pour vous encourager dans vos sottises. Il n'y a pas non plus de Falkland pour vous servir de champion. Sur mon Dieu, je vous déjoue toutes vos ruses. J'ai contreminé tous vos projets. Croyez-vous que je me laisserai ainsi contrecarré pour rien au monde? Quand est-ce que vous avez vu personne résister à mes volontés sans avoir à s'en repentir? Et je me laisserai insulter en face par une misérable petite grisette? « Oh que non, je n'en suis pas encore là. »« Ah, je n'ai rien fait pour votre fortune, dites-vous. »« Et qui est-ce qui donc vous a élevé? Qui est-ce qui a pris soin de vous? Et le vêtement, le logement, qui vous les a fournis? Eh bien, je vous en donnerai le mémoire. »« Est-ce que vous ne savez pas qu'un créancier a le droit d'arrêter son débiteur qui s'enfuit? »« Ah, vous en direz tout ce qu'il vous plaira, mais vous resterez ici jusqu'à ce que vous épousiez Grimes. » Le ciel et l'enfer conjurés n'empêcheront pas que je ne vienne à bout de faire plier votre obstination. Homme impitoyable, homme injuste, ainsi c'est assez pour vous que je n'ai ici personne pour me défendre? Mais je ne suis pas autant à votre merci que vous l'imaginez. Vous pouvez emprisonner mon corps, mais mon âme brave toutes vos violences. Épousez Monsieur Grimes, est-ce là le moyen que vous prenez pour m'y déterminer? Chaque dureté, chaque injustice que je souffre ne fait que reculer encore le but de toutes vos indignités. Vous n'êtes pas accoutumé, dites-vous, à ce qu'on résiste à vos volontés. Quand y ai-je jamais résisté? Et dans une affaire qui ne regarde absolument que moi, ma volonté sera comptée pour rien? Ne sentez-vous pas quelque honte, d'établir un tel principe pour vous et de ne pas souffrir qu'aucune autre créature puisse le réclamer pour soi, je n'ai pas besoin de vous. Comment osez-vous me disputer le privilège de tout être raisonnable, de vivre paisiblement dans la pauvreté et dans l'innocence? Vous, qui prétendez à la considération et à l'estime de tous ceux qui vous connaissent, quelle sorte d'homme vous montrez-vous ici à mon égard? Les reproches énergiques d'Émilie avaient d'abord causé à M. Tyrrell un mouvement de surprise. Et il se sentait comme frappé de honte et de crainte, en présence de cette victime innocente et sans défense. Mais sa confusion n'était qu'une suite de son étonnement. Quand la première émotion fut passée, la fureur reprit sa place. Il se maudit 100 fois lui-même de s'être laissé émouvoir aux plaintes d'Émilie et n'en fut que plus exaspéré contre elle pour avoir osé lui parler sur un ton aussi hardi dans un moment où elle avait tout à redouter de son pouvoir. Son humeur despotique et implacable était exaltée à un point qui tenait de la démence. En même temps, sa disposition sombre et soucieuse le portait à rouler dans sa tête 1000 projets de vengeance pour punir l'audacieuse qui lui résistait. Il commença à comprendre qu'il y avait peu d'espoir de réussir par la force ouverte. En conséquence, il résolut d'avoir recours à l'artifice. Grimes lui offrait un instrument propice à ses projets. Ce rustre, qui n'aurait peut-être pas à dessein fait mal à un enfant, était pourtant, par la seule grossièreté de ses idées, capable de commettre les offenses les plus graves. Ils ne concevaient une injure ou un avantage qu'autant qu'ils avaient quelque rapport aux appétits sensuels. Et ils regardaient comme un article essentiel de la véritable sagesse de traiter avec mépris la sotte délicatesse de ceux qui se tourmentent pour des infortunes purement idéales. Ils se figuraient que le plus heureux sort qui pût arriver à une jeune personne était de devenir sa femme, et un terme aussi désirable lui semblait fait pour compenser largement tous les malheurs imaginables qu'elle pourrait avoir à endurer pour y parvenir. Il ne fut donc pas bien difficile à M. Tyrrell, à l'aide de quelques appâts qu'il sut bien lui faire entrevoir, de déterminer cet homme à être son complice dans la trame qu'il machinait contre Miss Melville. Les choses ainsi disposées, M. Tyrrell, par l'entremise de sa geôlière, car l'épreuve qu'il avait faite des discussions personnelles ne l'avait pas engagé à réitérer ses visites, commença par se jouer de sa victime en redoublant ses terreurs. Cette méchante femme, tantôt sous une apparence d'amitié, tantôt sans dissimuler sa malice, informait Émilie de temps à autre des préparatifs qui se faisaient pour consommer son malheur. Un jour, c'était M. Tyrrell qui avait été voir une jolie petite ferme qu'il destinait pour habitation aux nouveaux mariés. Un autre jour, c'était un fonds de bétail et des meubles de ménage qu'on venait d'acheter pour que tout fût prêt pour leur réception. Ensuite, elle se mettait à lui parler d'une permission de mariage qu'on venait d'acheter d'un ministre qu'on avait fait avertir et d'un jour qu'on avait fixé pour les noces. Lorsqu'Émilie, malgré la frayeur involontaire qui la gagnait de plus en plus, s'efforçait néanmoins de tourner en ridicule tous ces préparatifs, comme tout à fait illusoires, tant qu'on n'en aurait pas son consentement, la malicieuse gouvernante lui racontait 1000 histoires de mariage faits par force. Il assurait que ni les protestations, ni le silence, ni un évanouissement ne pouvaient jamais servir à rien, soit pour suspendre la cérémonie, soit pour en éluder les faits quand une fois elle était faite. La situation de Miss Melville était tout à fait digne de pitié. Elle n'avait de commerce qu'avec ses persécuteurs. Elle n'avait pas autour d'elle un être humain qu'elle pût consulter et qui pût lui dire un mot de consolation ou d'encouragement. Elle avait du courage, mais ce courage n'était ni fortifié, ni guidé par les conseils de l'expérience. On ne pouvait donc pas s'attendre qu'il fût aussi inflexible qu'il eût pu l'être avec plus de connaissance des choses. Elle avait le jugement net et l'âme élevée, mais n'était pas tout à fait exempte des faiblesses de son sexe. Son âme succomba sous les coups redoublés et continus des terreurs dont on l'accablait, et sa santé en fut sensiblement altérée. Sa fermeté étant ainsi ébranlée, Grimes, en conséquence des instructions qu'il avait reçues, eut soin, dans la première entrevue, d'insinuer que, pour son compte, il se souciait assez peu du mariage projeté, et que, puisqu'elle avait tant de répugnance, il ne serait pas fâché que l'affaire n'eût pas lieu. Avec cela, disait-il, il se trouvait placé entre le marteau et l'enclume, et bon gré mal gré, il fallait bien finir ce mariage. Pour peu qu'il parût vouloir reculer, les deux seigneurs qui avaient arrangé cette affaire ne manqueraient pas de le perdre, comme on avait fait du pauvre Hawkins. Émilie fut charmée de trouver son prétendu dans des dispositions aussi favorables, et elle le pressa vivement de ne pas laisser sans effet une déclaration si pleine de raison et d'humanité. Elle lui parla avec l'éloquence la plus énergique. Le feu qui l'animait parut émouvoir Grimes, mais il objectait toujours la crainte de déplaire à M. Tyrrell et à son seigneur. À la fin, cependant, il insinua à Émilie l'idée d'un projet d'après lequel il pourrait l'aider dans sa fuite sans qu'il en vînt la moindre chose à leur connaissance. Comme en effet, il y avait peu de probabilité que leurs soupçons, en pareil cas, vinssent à se fixer sur lui. « Dans le vrai, dit-il, vous m'avez refusé d'une manière un peu dédaigneuse. Je peux bien dire cela. Vous m'avez pris, je crois, pour une bête brute. Mais je ne vous en veux pas, malgré cela, et je vous ferai voir que je n'ai pas plus de fiel qu'un pigeon. C'est une bien drôle de manie que vous avez, de vous tenir comme cela à votre tête et de désobliger tous vos amis. Mais si vous êtes résolu à rompre la paille, ma foi, voyez-vous, je ne me soucie guère d'être le mari d'une fille qui n'y va pas d'aussi bon cœur que moi. Partant, je vous aiderai de mon mieux à vous mettre à même de suivre votre inclination et de vous en aller où vous voudrez. » Émilie saisit avec empressement l'idée qu'on lui suggérait et s'y attacha vivement. Mais quand on en vint à discuter les détails de l'entreprise, son premier feu se refroidit un peu. Il fallait, suivant Grimes, que sa fuite eût lieu à la nuit close. Il se cacherait lui-même dans le jardin et se munirait de fausses clés pour la délivrer de sa prison. Ces circonstances n'étaient guère propres à calmer son imagination troublée. Aller se jeter, pour ainsi dire, dans les bras d'un homme qui lui avait été proposé pour mari et qui, sous ce rapport, était pour elle le plus insupportable des hommes, c'était sans doute une démarche fort extraordinaire. Les ténèbres, la solitude, tous ces accessoires chargeaient encore le tableau. La situation du château de Tyrrell était singulièrement solitaire. Il y avait 3 milles de distance au plus prochain village et pas moins de 7 à celui où demeurait la sœur de Madame Jakeman, auprès de laquelle Miss Melville était résolue d'aller chercher un asile. Ce n'est pas que le caractère ingénu et franc d'Emily lui permît de soupçonner Grimes capable d'abuser de ses avantages d'une manière indigne et brutale, mais son âme se révoltait involontairement à l'idée de se mettre ainsi seule à la merci d'un homme qu'elle avait pris l'habitude de regarder comme l'instrument des noirceurs de son barbare cousin. Après avoir roulé quelque temps toutes ces circonstances dans sa tête, il lui vint l'idée de prier Grimes d'engager la sœur de Madame Jakeman à se trouver à la porte du jardin en dehors pour l'attendre. Mais Grimes refusa nettement. La proposition même le mit en colère. C'était avoir bien peu de reconnaissance de ce qu'il faisait que de vouloir qu'il mît d'autres personnes dans la confidence du rôle dangereux dont il se chargeait dans cette affaire. Quant à lui, il était bien déterminé, pour sa propre sûreté, à n'y paraître pour rien aux yeux d'âmes qui vivent. Si mademoiselle ne l'avait pas cru sincère quand il lui avait fait, par bonté de cœur, la proposition de la servir, et si elle ne voulait pas se fier à lui pour la moindre chose, elle n'avait qu'à encourir les risques elle-même. Il était bien résolu à ne pas se plier davantage à tous les caprices d'une personne qui avait toujours été avec lui si défiante et si hautaine. Émilie fit ses efforts pour l'apaiser, mais toute l'éloquence de son nouveau confédéré ne put venir à bout de la faire départir de sa répugnance. Elle demanda jusqu'au lendemain pour y réfléchir. Le jour d'après était fixé par M. Tyrrell pour la cérémonie du mariage. En même temps, le sort qui la menaçait de si près lui fut perfidement annoncé sous 1000 formes différentes. On mit dans les préparatifs de sa torture la continuité, la méthode, l'adresse qui pouvait rendre son angoisse plus vive et plus poignante. Si son cœur avait un instant de relâche, sa cruelle surveillante ne manquait pas, par un mot perfide ou par quelque raillerie amère, de mettre bientôt fin à cette tranquillité passagère. Elle se voyait, comme elle l'a observé depuis elle-même, seule, sans expérience, ayant à peine quitté, pour ainsi dire, les lisières de l'enfance, sans découvrir autour d'elle une seule créature vivante qui prît intérêt à son sort. Elle, qui jusqu'alors n'avait su ce que c'était qu'un ennemi, n'avait pas depuis 3 semaines rencontré un coup d'œil dont elle n'eût pas au moins à se défier, si même elle n'y lisait pas le désir de la tourmenter et de la perdre. Elle sentait, pour la première fois, toute l'étendue de son malheur, de n'avoir jamais connu ses parents, et d'avoir été abandonnée à la charité de gens qui étaient trop loin d'être ses égaux pour qu'elle eût à en attendre des sentiments d'amitié. Les idées les plus pénibles la tourmentèrent pendant toute la nuit. Quand un moment d'oubli passager venait endormir ses sens, aussitôt son imagination malade appelait autour d'elle 1000 images de trahison et de violence. Elle se voyait dans les mains de ses impitoyables ennemis, acharnée sans relâche et sans remords à consommer sa perte. À son réveil, elle n'avait pas d'idée plus consolante à former, c'en était trop pour sa constitution. À l'approche du matin, elle prit la résolution de se mettre à tout hasard dans les mains de Grimes. Cette détermination ne fut pas plus tôt prise qu'elle sentit son cœur extrêmement soulagé. Quelques fâcheuses conséquences qui puissent résulter d'une telle démarche, il lui sembla qu'elle ne pouvait entrer en balance avec les malheurs qui l'attendaient inévitablement dans cette fatale demeure. Quand elle fit part à Grimes du parti auquel elle s'était décidée, il n'est pas possible de dire s'il en ressentit du plaisir ou de la peine. Il sourit à la vérité, mais ce sourire fut accompagné d'une contraction brusque et revêche dans sa figure, qui laissait à deviner si c'était le rire de la malignité ou celui de la satisfaction. Toutefois, il renouvela l'assurance d'être fidèle à ses engagements et ponctuel dans l'exécution. Pendant ce temps, la journée se passait en présent de noces et en préparatifs, qui tous indiquaient combien les directeurs de cette scène étaient imperturbables et assurés dans leur marche. Émilie avait espéré qu'à mesure que la crise approchait, ses gardiens se relâcheraient un peu de leur vigilance ordinaire. Dans ce cas, elle était résolue, si elle en trouvait l'occasion, de faire à la fois faux bond à ses geôliers et à son nouveau confident, mais malgré tous les soins qu'elle prit pour arranger ce plan, elle en trouva l'exécution impraticable. Enfin arriva cette nuit si critique pour elle. Son âme ne pouvait manquer d'être dans une extrême agitation. Elle avait d'abord exercé toute son adresse à mettre en défaut la vigilance de sa surveillante, mais au lieu de se relâcher de ses mesures ordinaires, cette insolente et impitoyable geôlière n'avait voulu que se jouer des tourments de sa victime. En conséquence, elle se cacha, et laissant croire à Émilie qu'il n'y avait personne autour d'elle, elle l'attendit au bout de la galerie au haut de l'escalier. « Que faites-vous donc là, mon enfant ?» lui dit-elle d'un ton insultant. « Comment donc cette chère petite se croit assez fine pour m'attraper ? Mais vraiment, vous êtes une maligne petite espiègle. Allons, allons, mon cœur, retournez à votre chambre. Marchons. » Émilie sentit vivement le tour qu'on lui avait joué. Elle soupira, mais elle dédaigna de répondre à cette basse et cruelle raillerie. Rentrée dans sa chambre, elle se jeta dans un fauteuil et y demeura plus de 2 heures ensevelie dans une rêverie profonde. Ensuite, elle courut à ses armoires, renversa toutes ses hardes, ôta et remit pêle-mêle, sans savoir ce qu'elle faisait, son linge et ses robes, pensant confusément à préparer ce qu'il lui fallait pour sa fuite. L'officieuse geôlière suivait tous ses pas et se contentait d'observer en silence toutes ses actions. Il était heure de se coucher. « Bonne nuit, ma fille, » dit la malicieuse femelle, faisant mine de se retirer. « Il est temps de fermer votre porte. Vous avez encore quelques heures à être maîtresse de votre personne. Profitez-en de votre mieux. J'espère, mon petit cœur, que vous ne vous en irez pas par le trou de la serrure, n'est-ce pas ? À 8 heures bien précises, vous me reverrez. Et puis, » ajouta-t-elle en se frottant les mains, « tout sera dit. Vous et votre honnête prétendu, vous ne ferez qu'un, aussi sûr qu'il fera jour demain. » Il y avait dans le ton avec lequel cette méchante femme avait lâché ces derniers mots quelque chose qui fit dire à Émilie en elle-même « Qu'entend-elle donc par là ? » Serait-il possible qu'elle eût connaissance de ce qui va se passer dans quelques heures d'ici ? C'était la première fois que ce soupçon s'offrait à sa pensée, et il ne s'y arrêta pas longtemps. Le cœur serré et palpitant, elle fit un petit paquet du peu de hardes qu'elle crut devoir prendre avec elle. Ensuite, elle prêta l'oreille avec une telle inquiétude que le mouvement d'une feuille n'eût pu lui échapper. De temps en temps, elle s'imaginait entendre marcher, mais le bruit des pas, au cas où que s'en fût, était si léger qu'elle ne pouvait assurer si c'était un son véritable ou une illusion de son imagination. Ensuite, tout devint calme, comme si la nature entière eût été dans un repos parfait. L'instant d'après, elle crut entendre un petit murmure confus, comme de gens qui parlaient bas. Le cœur lui battit très fort. Une seconde fois, elle en revint à suspecter Grimes. Cette idée la tourmenta plus cette fois que la première, mais il était trop tard. Au moment même, elle entendit le bruit d'une clé à la porte de sa chambre et vit paraître Grimes. Elle tressaillit à cette vue. « Sommes-nous découverts ? » lui dit-elle. « Ne vous ai-je pas entendu parler à quelqu'un ?» Grimes s'avança sur la pointe du pied, le doigt sur la bouche. « Non, non, tout va bien. » Il la prit par la main, la conduisit sans rien dire hors de la maison et ensuite à travers le jardin. Émilie examinait avec soin les portes et les passages à mesure qu'elle avançait et promenait de tous côtés autour d'elle un œil craintif et soupçonneux. Mais tout paraissait être aussi tranquille qu'elle eût pu le désirer. Grimes ouvrit une porte de derrière du jardin qui n'était que poussée et qui conduisait dans un sentier très peu fréquenté. Il y avait deux chevaux tout équipés pour voyager, attachés par la bride à un poteau qui n'était pas à trois toises du jardin. Grimes tira la porte après lui. « Par ma foi, dit-il, j'avais la peur au ventre. En passant là le long pour aller à vous, voilà-t-il pas que j'ai vu Edmond, le cocher, qui sortait par la porte de derrière pour aller à l'écurie. Il n'avait qu'un pas à faire pour être sur moi. Mais il avait sa lanterne et il ne pouvait pas me voir parce que j'étais dans l'obscurité. » En disant cela, il aidait Miss Melville à monter. Il l'importuna fort peu pendant la route. Au contraire, il fut singulièrement silencieux et pensif, ce qui ne fut rien moins que désagréable à Émilie, qui n'aimait guère sa conversation. Après environ 2 milles de marche, ils arrivèrent à un bois qu'il fallait traverser pour gagner la route qui conduisait à leur destination. La nuit était fort obscure, en même temps que l'air était très doux, car on était alors dans le cœur de l'été. Ils avaient déjà pénétré au milieu de cette sombre solitude lorsque Grimes, sous prétexte de chercher la route, poussa son cheval en avant, tout contre celui de Miss Melville, et ensuite, étendant la main tout à coup, il lui saisit la bride. « Je crois que nous ferons bien de nous arrêter ici un moment. »« Nous arrêter ?» s'écria Emily avec surprise. « Et pourquoi donc nous arrêter, Monsieur Grimes ? Que voulez-vous donc dire ?»« Allons, allons, » dit-il. « Ne faites pas tant l'étonner. » « Est-ce que vous m'avez bonnement cru assez sot pour prendre tant de peine pour rien ?»« Oh, bien oui, je suis bien d'humeur à être comme ça, le bardeau des sottises des autres. Ce n'est pas en vérité que j'ai d'abord eu grande envie de vous, mais toutes vos petites façons m'ont émoustillé. Le morceau qu'on a le plus de peine à voir est toujours celui qui ragoûte le plus. Vous faisiez tant la difficile pour donner votre consentement que M. Tyrrell a cru qu'il était plus sûr de vous le demander comme ça, à la brune. Et comme il m'a dit qu'il ne voulait pas qu'une pareille affaire se fît dans sa maison, voilà pourquoi, mon petit cœur, nous sommes venus jusqu'ici. Au nom de Dieu, Monsieur Grimes, pensez à ce que vous dites. Vous ne pouvez pas être assez bas, assez méchant pour perdre une malheureuse créature qui s'est mise elle-même sous votre protection. Bon, bon, vous perdre, oh que non! Je ferai de vous une honnête femme après cela. Allons, allons, laissez là tous vos grands airs. Vous avez beau chercher et attendre, il ne passe personne ici. Allez, je vous tiens, ici aussi sûr que le poisson dans la nasse. Il n'y a pas seulement une bicoque d'ici à plus d'un mille, et si je laisse échapper la belle, vous pouvez bien m'appeler un sot. Par ma foi, je ne vous ai jamais trouvé tant de mon goût, et il n'y a pas de temps à perdre. » Miss Melville n'eut qu'un instant pour recueillir toutes ses idées. Elle sentit qu'il y avait peu d'espoir de toucher l'animal opiniâtre et insensible qui la tenait en son pouvoir. Mais la présence d'esprit et l'intrépidité qui lui étaient particulières ne l'abandonnèrent pas. À peine Grimes avait-il achevé sa harangue qu'avec une forte et brusque secousse, elle lui arracha la bride de la main et mit en même temps son cheval au galop. Elle avait déjà quelques pas d'avance lorsque Grimes, revenu de sa surprise et mortifié au dernier point d'avoir à si bon marché perdu son avantage, se mit à la poursuivre. Le bruit de son cheval ne servit qu'à exciter celui d'Émilie. Soit hasard, soit sagacité, cet animal suivit sans se tromper le sentier étroit et tortueux qui menait à la route, et la chasse des deux coursiers continua ainsi dans toute la longueur du bois. À l'extrémité de ce bois, il y avait une porte. Cette circonstance que Grimes se rappela adoucit son chagrin, parce qu'il se regardait comme certain de mettre par là un terme à la course de sa victime fugitive, et qu'il n'était guère probable que dans le silence et les ténèbres de la nuit, il y eût la personne pour l'interrompre. Cependant, par le plus grand hasard du monde, il se trouva un homme à cheval qui attendait à cette porte. « À l'aide ! Au secours ! » s'écria Emily. « Au voleur ! Au meurtre ! Au secours !» Cet homme était M. Falkland. Grimes reconnut sa voix, aussi ne résista-t-il que faiblement. Deux autres hommes que l'obscurité l'avait d'abord empêché d'apercevoir et qui étaient des domestiques de M. Falkland accoururent au bruit, alarmés pour la sûreté de leur maître. Et alors, Grimes, voyant que sa proie lui était échappée, pressé par la crainte et la honte qui suivent le crime, prit la fuite sans dire un seul mot. Il paraîtra peut-être étrange que M. Falkland se soit ainsi trouvé une seconde fois le libérateur de Miss Melville, et cela au moment où on devait le moins s'y attendre. Rien n'est cependant plus aisé à expliquer. Il avait entendu dire qu'on avait vu rôder un homme dans ce bois pour voler ou pour quelque autre mauvais dessein, et qu'on conjecturait que cet homme était Hawkins. Cette malheureuse victime de la tyrannie avait déjà vivement intéressé la compassion de M. Falkland. Il avait fait de vains efforts pour le découvrir et lui faire du bien, et naturellement, il vint à l'idée que si la conjecture se trouvait vraie, il aurait non seulement le pouvoir de faire pour cet infortuné ce qu'il avait déjà projeté, mais encore d'arracher un homme qui lui avait paru pénétrer de bons principes au danger terrible d'une offense contre les lois et la société. Il avait pris avec lui deux domestiques, parce qu'allant à dessein à la rencontre de voleurs, si réellement il y en avait, il se serait cru inexcusable de ne pas se précautionner contre tous les accidents possibles. Mais en même temps, il leur avait donné ordre de se tenir seulement à la portée de sa voix et de ne pas se laisser voir. Ce n'était que leur zèle pour leur maître qui les avait fait s'approcher dans cette occurrence. Cette nouvelle aventure promettait quelque chose d'extraordinaire. M. Falkland ne reconnut pas tout de suite Miss Melville, et quant à Grimes, il ne se rappelait pas l'avoir jamais vue. Mais il n'était pas difficile de juger de l'importance de l'aventure et du besoin extrême qu'on avait de son secours. La contenance déterminée de M. Falkland, la crainte qu'inspirait à Grimes un tel adversaire, jointe au sentiment intérieur de son crime, mirent bientôt le ravisseur en fuite. Emily resta seule avec son libérateur. Il la trouva beaucoup plus recueillie et plus calme qu'on aurait pu l'attendre d'une personne qui échappait à une situation aussi effrayante. Elle lui nomma le lieu où elle désirait aller, et il se mit aussitôt en devoir de l'y accompagner. Pendant le chemin, elle reprit toute sa tranquillité et sentit naître en elle le besoin de confier ce qui lui était arrivé à l'homme auquel elle avait de si grandes obligations et qui était l'objet de toutes ses pensées. M. Falkland l'écouta avec autant d'intérêt que de surprise. Quoiqu'il eût vu déjà bien des exemples de la basse jalousie de M. Tyrrell et de son caractère despotique et inexorable, ce trait surpassait tous les autres et à peine pouvait-il en croire ses oreilles. Tout ce qu'on avait imaginé des passions des esprits infernaux lui paraissait réalisé dans l'âme de son odieux voisin. Miss Melville fut obligée, dans le cours de son récit, de parler de l'imputation qu'on lui avait faite de nourrir dans son cœur de l'amour pour M. Falkland, et elle en parla avec une naïveté et une confusion toute charmante. Quoique cette partie de son récit fût pour son libérateur le sujet d'une peine réelle, cependant on ne peut pas croire que la partialité flatteuse qu'avait montrée pour lui cette malheureuse enfant ne contribua pas à augmenter l'intérêt qu'il prenait à elle et l'indignation que lui inspirait son exécrable cousin. Ils arrivèrent sans accident à la maison de la bonne dame qu'Émilie avait choisie pour sa protectrice. M. Falkland ne fit aucune difficulté de la laisser dans ce lieu de sûreté. Des complots du genre de celui auquel cette pauvre fille venait d'échapper ne peuvent avoir de succès contre la personne qui en est l'objet, qu'autant qu'elle est hors de la portée de tout secours, et une fois connue, ils ne sont plus à craindre. Sans doute, un pareil raisonnement paraîtra en général assez bien fondé, et M. Falkland le trouva parfaitement applicable à la circonstance, mais on verra qu'il se trompait.